boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Fabuleux Stories for Boys n'avait pu vous être envoyé entier la semaine passée. C'est donc la bande à Bono qui ouvre un 262e Pop and Rock sur la très locale RVR qui sera très 2024 avec tout de suite Gift Horse, issu du dernier opus de Idols. Oh, Quand deux groupes que Pop and Rock aime se retrouvent, c'est qu'il y a forcément du bon. Deuxième nouveauté du soir, on reste avec Idols, mais qui ce soir invite dans Dancer le fou furieux James Murphy, plus connu grâce à son LCD Sound System. Dancer. Idols, pas toujours convaincu, mais malgré tout, il y a toujours du très bon dans un nouvel album de Idols. Par contre, les rockers bien coiffés de The Boxer Rebellion, rappelez-vous, c'était il y a quelques années. Yeah. soul's salvation, but the only thing, the only thing you need. Ouais, The Boxer Rebellion, c'est propre, c'est net, presque trop, surtout quand ils arrivent après Idols. Mais c'est aussi ça, pop and rock sur la très locale RVR. Et d'ailleurs, poursuivons notre route avec les londoniens de The Boxer Rebellion qui en 2024 sortent Open Arms, EP 4 titres duquel j'extrais le titre Open Arms. Seul titre que je... comment dire ? Bah seul titre qui m'a interpellé, mais à chacun son jugement, on écoute. But I have opened arms, I have opened tous les lundis entre 17h et 18h, vous écoutez votre Pop and Rock, ce soir numéro 262, avec qui arrive tout de suite un de nos nouveaux chouchous. Like scenery, passing by the window of a train. Slowly at first, then faster and faster. Until eventually, by some unknown mechanism, meaning is found inside the word. Meaning connects the words, and light passes before your eyes. My eyes. I have eyes and smoke. Smoke fills my lungs. I have lungs and memories start to fill this empty head. Have I been here before? I am not, I'm alive. Hey boy, stop being so mean, calling. Let's go. Ouais, c'était donc notre chouchou, comme le disait la voix off, Will Toledo et son Car Seat Headrest, une fois de plus dans votre Pop and Rock. Mais ici, on valide comme nous validons le retour de Frank Carter et de ses crotales, rappelez-vous. Anglo-saxon envahit les playlists de pop and rock tous les lundis au 104.6 de 17 à 18h. Ouais, mais pas que. Rock belge et rock français sont aussi bien présents dans pop and rock et ce soir, c'est La Poison qui va illustrer cet état de fait, cette vérité pas très lapalissienne. Le monde va mal. Ma, le monde va mal. Ma, le monde va mal. Ma, le monde va mal. Ma, l'économie. Ma, la pandémie. Ma, l'homophobie. Ma, les sans-abri. Ma, les dépressions. Ma, la récession. Ma, l'écologie. Ma, les tsunamis. La politique, ma, la robotique, ma, les fanatiques, ma, l'Antarctique, ma, la liberté, ma, les réfugiés, ma, l'obésité, ma, misogynie, ma l'homophobie, ma les dictatures, ma la non-culture, ma le nucléaire, ma le polaire, ma crédit social, ma délit facial, ma les idées, ma la libido, ma les pronostics, ma tout pour le fric, ma le monde. Son particulier dans le monde du rock, La Poison sort un nouveau titre. Après plusieurs EP et singles, La Poison nous offre Les Mauvais Garçons. C'est bon, c'est frais, c'est La Poison dans Pop and Rock sur la très locale RVR. Le La Poison, vous avez aimé? Alors soyez rassurés, dès la sortie de leur nouvel album, ils reviendront dans Pop and Rock comme reviennent Isaac Delusion et Kula Shaker, que je programme à nouveau pour les mauvais élèves de Pop and Rock qui ont manqué le dernier opus des petits enfants du rock. Isaac Delusion, All Day, pour commencer. Rock léger de Isaac Delusion et à présent voici un acoustique du nouveau Kula Shaker, ça s'appelle Gaslighting. It's called Gaslight. Dearly beloved, we are gathered here together to witness the great congregation in this age of Aquarian communication and rehumanization. The revolution will not be live-streamed across all social platforms. You will receive no notifications, only dehypnotizations, revelations, and realizations. Oh yeah. Before we all stand up, before we sell door shuts, yeah, we ain't gonna fear, we ain't gonna hate, with wars from the south to the Bering Strait. Gaslighting, they're just a gaslighting, they're just a gaslighting. This is a few words from Brother Bevan now. We are long past the days of gentlemen, and I promise we will tear this down. We will rise like the smoke from those burning cities, and know that their judgment will come. Oh yeah. Before we all stand up, before the cell door shuts, it's the rehumanization of our civilization, 'cause the people have all woken up. And it's all because somebody said I'm the chosen one. I know what's right, I know what's right. Follow my lights. Baby, they're just gaslighting. They're gaslighting. Yes, they're gaslighting. Baby, they are just gaslighting. Those satanic mills, corporate shills, footing the bills, non-believers, deceivers, overachievers, golden retrievers, black magic witches taking us for bitches. We all know that it, the judgment will come. Love is the answer. Love is the flower. Love is the fountain of all true power. They're just a gaslighting. They're just a gaslighting. Vous êtes bien 104.6 en train d'écouter Pop and Rock et profitez, vous êtes dans une triplette 2024 Future Islands. Incense to the figure in the distance. You are. il est des artistes qui ont un profil qui devrait faire que jamais je ne pourrais les programmer. Starlette hollywoodienne, se laissant tenter par le rock, Juliette Lewis ne devrait avoir aucune place dans Pop and Rock. Pourtant, la petite fiancée d'Elix a retenu l'oreille de Nida et celle de votre serviteur. Aujourd'hui, Juliette Lewis est dans nos playlists préférées. Juliette sans Elix, c'est dans Pop and Rock. Before I knew your name, I could see your face. fade, you got pulled so hard. I can see my name written across your chest. In permanent ink, you'll never wipe out. This fade don't wait, never comes too late. Like a busted lock, break the gate. Like broken glass through a window pane. I fell so fast, but what's your name? There's nowhere to go, nowhere to go. Now my pulse feels slow. Darling, don't you know? You're my hero. Tell me who, tell me who, tell me who you are. Tell me what you want. You got that sweet love that keeps my heart from beating, baby. I've been dragging all across the ground. Tell me who, tell me who, tell me who you are. Juliette Lewis ne chante plus mais a fait une apparition splendide dans la série Yellow Jacket dont on espère une suite, mais pour le moment, The Umbrellas. Say, Allez, rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous. So simple to answer, won't take long. This love thy neighbor thing, does it apply to all mankind? Or only those who fit neatly inside your narrow lines? Lassie, they are straight from the field, they're heading to the sea. Right.